ça devait arriver. Je le savais. Tu te croyais toujours plus fort. Pourquoi? Pourquoi maintenant tu es là, couché sur le pavé, et tu es là, et tu ne m'entends pas, ça devait arriver. Ça devait arriver.